La salle à manger. Maître André, Clavaroche, Fortunio et Jacqueline, à table. Maître André. Grâce au ciel! Nous voilà tous joyeux, tous réunis et tous amis. Si je doute jamais de ma femme, puis-je m'en vais m'empoisonner. Jacqueline. Donnez-moi donc à boire, monsieur Fortunio. Clavaroche, bah. Je vous répète que votre clerc m'ennuie. Faites-moi la grâce de le renvoyer. Jacqueline, bah. Je fais ce que vous m'avez dit. Maître André. Quand je pense qu'hier, j'ai passé la nuit dans l'étude à me morfondre sur un maudit soupçon. Je ne sais de quel nom m'appeler. Jacqueline. Monsieur Fortunio, donnez-moi ce coussin. Clavaroche, bah. Me croyez-vous notre maître André? Si votre clerc ne sort de la maison, j'en sortirai tantôt moi-même. Jacqueline, je fais ce que vous m'avez dit. Maître André, mais je l'ai conté à tout le monde. Il faut que justice se fasse ici-bas. Toute la ville saura qui je suis. Et désormais, pour pénitence, je ne douterai de quoi que ce soit. Jacqueline, monsieur Fortunio, je bois vos amours. Clavaroche, bah. En voilà assez, Jacqueline, et je comprends ce que cela signifie. Ce n'est pas là ce que je vous ai dit. Maître André, oui, aux amours de Fortunio. Il chante, amis, buvons, buvons sans cesse. Fortunio, cette chanson-là est bien vieille. Chantez donc, monsieur Clavaroche.